faute. Si on n'est plus côte à côte, les uns loin des autres, ce chemin n'est pas le nôtre. Dans mon coin, on dirait que je suis pas des fautes. Rien à foutre, votre est dans ce problème qui est le nôtre. J'ai honte, donc je note depuis que t'as pris la porte. Mieux je me comporte, de toute façon il faut que je m'en sorte. Pour mon garçon, je vois l'horizon, donc je la sois. Pour mon garçon, je vois l'horizon, donc je la sois. Tête faible, j'ai pas besoin de femme. Les pieds dans le sable mouvant, tous les débuts sont émouvants. Mais souvent le vent souffle en contre-courant. Je me souviens du gouffre et du bon moment. Mais pour l'instant, je pense à mon monde qui doit dire grand. Pendant que moi dans le din, je dois dire grand. Et dire que la vie de parents, c'est pas marrant. Pour l'avenir de ma famille, je me porte garant. Pour leur sécurité, calibre et paire de gants. En vérité, désolé d'être indigent. On a hérité le rôle de nos parents. La vérité, c'est pas drôle, c'est toujours transparent. Depuis petit père, n'est pas cette putain ce franc. Tout le monde est concerné, mais tout le monde fait semblant. Comme tous ces condés assis sur le banc. Quand je rentre dans une ronde, c'est pour être sans la faute. Si on n'est plus côte à côte, les uns loin des autres, ce chemin n'est pas le nôtre. Dans mon coin, on dirait que je suis pas des vôtres. Rien à foutre, votre est dans ce problème qui est le nôtre. J'ai honte, donc je vote depuis que t'as pris la porte. Mieux je me comporte, de toute façon il faut que je m'en sorte. Pour mon garçon, je vois l'horizon, donc je vois. Pour mon garçon, je vois l'horizon, donc je vois. Dans mon coin, j'ai jamais fait le pingouin. Écoute cousin, entre copains, on fait le mal pour le bien. Avec MEL, on est hal, même s'il y a rien. Avec BEL, on a la dalle sur le terrain. C'est Z de L, je mets une rafale comme le R1. Demandera EL, IMC qui le parrain. C'est Z de L, je mets une rafale comme le R1. Demandera EL, IMC qui le parrain. A-t-il la faute si on n'est plus côte à côte? Les uns loin des autres, ce chemin n'est pas le nôtre. Dans mon coin, on dirait que je suis pas des vôtres. Rien à foutre, votre est dans ce problème qui est le nôtre. J'ai honte, donc je vote depuis que t'as pris la porte. Mieux je me comporte, de toute façon il faut que je m'en sorte. Pour mon garçon, je vois l'horizon, donc je vois. Pour mon garçon, je vois l'horizon, donc je vois. A-t-il la faute si je dois remonter la côte? La note m'emporte, n'importe une, je remonte ma cote. Faut que je fasse fortune sans mettre des carottes. Faut que je fasse des thunes sans qu'on mette les menottes. La base tu pètes, t'écoutes mon pote. J'arrive dans le son, les MC clignotent. Merci ma cocotte, même si je te boycotte. Jamais je te boycotte, j'suis pas une pute pute. Fais ta vie et chute chute, ravi d'être pas tombé dans la chute chute. On reste des êtres assombris par la flûte. Beaucoup de peste, t'aimerais voir baisser mon fut. Mais je reste baisse, Z, E, L, E, R, j'te culbute. Quoi qu'il arrive, jamais je presse mon cabut. Et si c'est le cas, c'est pour te chercher ma bite. Cherche pas, y'a rien à bête dans mon assiette. Mais si tu veux, mec, j'te laisse la miette. A-t-il la faute si on n'est plus côte à côte? Les uns loin des autres, ce chemin n'est pas le nôtre. Dans mon coin, on dirait que j'suis pas des vôtres. Rien à foutre, votre est dans ce problème qui est le nôtre. J'ai honte, donc je vote depuis que t'as pris la porte. Mieux je me comporte, de toute façon il faut que je m'en sorte. Pour mon garçon, je vois l'horizon, donc j'assois.